Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL et après ce voyage avec Mélanie en Afrique du Sud, au Vietnam, eh bien on va faire un tour dans le Pacifique, en plein milieu du Pacifique, au milieu de toutes ces îles du Pacifique, en se posant la question, mais comment est-ce qu'elles ont été peuplées, ces îles? Comment les gens ont colonisé ces îles éparpillées au milieu du Pacifique, bien avant l'arrivée des Européens? Et c'est Marie-Claude Dionne qui va nous apporter la réponse. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors, un peu pour suivre ce que j'ai présenté lors de ma dernière intervention ici à l'émission. Ce soir, je vais parler du peuplement d'îles de la Polynésie, qui est un ensemble géographique qui va de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Hawaï. Mm-hmm. Et vraisemblablement, tout l'exploit est dans les diverses vagues migratoires, qui ont porté des hommes jusque dans l'archipel d'Hawaï, qui est vraiment le plus à l'est dans l'océan Pacifique. Je le rappelle, cet archipel-là se situe environ à 3200 km de la côte ouest des États-Unis, à plus de 6000 km du Japon et à 3500 km des Marquises. Mmh. Donc, c'est vraiment très loin. Au premier abord, la migration humaine qui aboutira dans l'archipel s'est faite à partir des terres que l'on retrouve en Océanie, donc sensiblement l'Australie. Et dans ce continent-là, on retrouve trois grands groupes dits traditionnels qui sont la Polynésie, la Mélanésie et la Micronésie. On croit donc que l'origine du peuple hawaïen serait au sein d'une de ces anciennes mm-hmm. civilisations-là. Il faut souligner la migration, qu'elle soit polynésienne ou mélanésienne, fait partie l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, si on veut. C'est la découverte et la colonisation d'îles qui sont assez éloignées et dispersées dans le Pacifique central. Et de ce qu'on sait, la migration aurait débuté avant la naissance de Jésus-Christ. C'est très lointain quand même. Tout à fait. Alors que... Mais en considérant les moyens technologiques de l'époque. Exactement. Puis pour mettre en parallèle, en fait, c'est que les Européens, eux, naviguent tout juste à proximité des côtes des continents avant de pouvoir développer des instruments de navigation. Tandis que les voyageurs des Fidji, de Tonga ou de Samoa sont déjà en train de s'aventurer depuis de fort lurette. Au large. Au large, dans un océan là beaucoup plus vaste que celui de l'Atlantique. Et est-ce qu'on sait exactement à quel moment, donc, les premiers peuples de l'Océanie ont navigué vers l'est pour s'établir vers d'autres îles? Et la chronologie pour la colonisation de la Polynésie est assez bien établie, bien qu'il y a des dates qui peuvent changer constamment, en fait, avec des nouvelles découvertes mm-hmm. archéologiques. Je vous dirais que ce qu'on sait, c'est qu'on a des chasseurs-cueilleurs qui sont en Australie et en Nouvelle-Guinée il y a 5000 ans. Puis, 50 000. Oui, 50 000 ans. Et donc, aux alentours de 1600 ans avant Jésus-Christ, on voit apparaître un complexe culturel qu'on nomme l'Apita, qui est identifié par une poterie distincte de la région de la Nouvelle-Calédonie et qui va se répandre de la Nouvelle-Guinée jusqu'à l'est, donc de Fidji, de Samoa et de Tonga. Par la suite, 300 ans avant Jésus-Christ, il y a des navigateurs de Samoa et de Tonga qui vont découvrir et vont s'installer sur les petites îles toujours plus à l'est. Donc, mm-hmm. on parle des îles Cook, de Tahiti et des Marquises. Et après, 300 ans après Jésus-Christ, des navigateurs de la Polynésie centrale ou orientale, possiblement des Marquises, vont découvrir l'île de Pâques. Là, on a quasiment traversé le Pacifique. Exactement. Et une centaine d'années après, ben, c'est autour des habitants des îles Cook, de Tahiti et des Marquises qui vont naviguer vers Hawaï. Et vers l'an 1000, toujours de notre ère, c'est la Nouvelle-Zélande qui va se faire coloniser à son tour. Mm-hmm. Et quelles sont les preuves, parce que là, tu nous parles de toute une séquence mm-hmm. migratoire, mais finalement, quelles sont les preuves de cette séquence migratoire? Comment on en est pu arriver à ces datations? Et tout d'abord, il faut quand même aborder le problème de conservation des sites archéologiques, et c'est pas la première fois que j'en parle. Les artefacts et les écofacts ne se conservent pas tout le temps sur les sites archéologiques. Et le cas d'Hawaï, voire même tous les sites polynésiens, ils font pas vraiment exception. Mm-hmm. Les sites archéologiques les plus anciens, ça va de soi, c'est les plus susceptibles d'avoir été touchés ou détruits par la nature. Puis on parle de la nature plutôt volcanique des îles, entre autres Hawaï. Mais aussi, il y a une grande vulnérabilité aux tsunamis et aux cyclones. Puis on parle aussi des problèmes liés aux mécanismes géomorphologiques de construction des sols, comme l'accumulation qui se fait par colluvial ou alluvial. Ceci étant dit, on a quand même trouvé des éléments assez intéressants au niveau de l'archéologie, mais aussi au niveau de la culture. On retrouve, entre autres, en Nouvelle-Zélande, des structures sociales matrilinéaires et matrilocales qui sont considérées comme étant d'origine lapita. Okay. On peut aussi percevoir des noms de lieux en plein cœur d'Hawaï qui auraient une origine des Moluques. Ah oui? Les Moluques, c'est un archipel de l'Indonésie qui est situé sensiblement au milieu d'un triangle géographique qui comprend les Philippines, l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée. Et par plusieurs chercheurs, c'est considéré comme étant un des points centraux de départ des grandes vagues de migration vers l'Est. Mais on trouve pas juste une influence ou une origine des Moluques dans les noms d'Hawaï, parce qu'on s'aperçoit assez rapidement que les langues d'Hawaï et des Marquises se ressemblent énormément. Ah oui. Il y a des ressemblances de mots au niveau, littéralement. Parfois, c'est des consonances pareilles aussi. Et au niveau des assemblages archéologiques, donc le matériel, mais il y a une grande similitude dans les artefacts comme les hameçons, les ornements et l'herminette, qui est un petit outil qui ressemble à une petite hache. C'est une concordance qui peut s'expliquer par le fait qu'il y aurait eu une dispersion rapide et tardive d'un seul et même groupe à travers toute cette... Il y a une culture commune qui s'est disséminée dans les îles. Tout à fait. Mais la preuve la plus probante qui explique la chronologie que j'ai mentionnée il y a quelques minutes, c'est l'archéobotanique. En fait, initialement, les écofacs vont refléter la progression de la migration qui est du plus occidental du Pacifique vers la Polynésie centrale et éventuellement vers Hawaï. Donc, on a 72 plantes, qui sont identifiées, qui ont été introduites en Polynésie, donc qui partent de l'Australie. Ouais. Et il y a à peu près une quarantaine de ces plantes-là qu'on va retrouver dans les îles Cook et les Marquises. Et il y en a 29 de ces plantes-là qu'on retrouve à Hawaï. Donc, ils auraient été apportées avec les colons au fur et à mesure de l'île en île. Et dans ces espèces-là, on compte le taro, l'arbre à pain, la canne à sucre et la banane. Donc, on a, comme ça, là, on a différentes preuves matérielles et culturelles de la colonisation des îles du Pacifique avec des peuples qui viennent des Moluques. Mais on se demande encore comment est-ce qu'ils ont navigué? Qu'est-ce qu'on sait de navigation à cette époque-là? C'est quand même une grande distance. C'est mystérieux. Oui, c'est tout ça. Tout à fait, une grande distance à parcourir. Dans la littérature scientifique, on lit que si le départ aurait été fait à partir des Moluques, les navigateurs auraient passé par le nord de la Micronésie, donc c'est un passage qui est plus nord-ouest. Il faut savoir que plus au sud, il y a une zone de convergence intertropicale. C'est un lieu où il y a peu de vent et beaucoup de tempêtes. Donc, c'est dur à passer, si on veut. Et en prenant une direction nord, les navigateurs n'ont pas de choix que d'emprunter le courant qu'on appelle le Kuroshio, qui contourne le Japon et qui poursuit sa course vers Hawaï. Donc, on est sensiblement transporté super facilement par ce courant-là, sans atteindre les vents alizés qui auraient un peu été, en fait, peut-être amorti le chemin. Donc, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, ils étaient un peu portés par les courants, mais sur quel genre de bateau ils ont navigué? Est-ce qu'on a retrouvé des artefacts de ces bateaux? Pendant longtemps, la reconstitution qu'on avait des navires était essentiellement basée sur des observations qui avait été fait par les explorateurs des îles au 18e et au 19e siècle. Mais en 2012, il y a une équipe d'archéologues qui viennent de l'Université d'Auckland en Nouvelle-Zélande qui a découvert une partie d'un ancien canot, à partir d'une section d'à peu près 6 mètres qui faisait partie initialement d'un navire de 20 mètres de long. Il a été construit en essence de bois endémique à la Nouvelle-Zélande, qu'on appelle le matai. On a même retrouvé une belle tortue gravée qui est un emblème assez intéressant de la Polynésie. On sait aussi que les cracks éventuellement qui apparaissent sur les coques de ces bateaux-là, de ces canaux-là, étaient scellés par la sève de l'arbre du pin. Donc, on connaissait déjà un moyen de calfeutrer. Exactement. Et on pouvait même attacher un balancier sur un des côtés du canot qui permettait d'avoir une plus grande stabilité sur les eaux qui sont quand même assez tumultueuses sur l'océan. Est-ce qu'on sait s'il y avait une voile ou s'il y avait quelque chose pour mettre en mer? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Il y aurait eu aussi des voiles parce qu'éventuellement, les courants ne font pas toujours la... C'est plus facile de pousser un bateau quand il y a une voile que quand il y a... Exactement. Puis éventuellement, mais les voyages vont cesser entre Hawaï et le reste de la Polynésie aux alentours de 400 ans après, en fait plutôt avant la venue des Européens au 18e siècle. Et encore aujourd'hui, on se demande pourquoi ces allées et venues-là se sont soudainement arrêtées. Ils se sont trouvés bien sur place et puis ils ont décidé de s'installer là. Probablement, tout à fait. Peut-être qu'aussi quand les Européens sont arrivés, ça a changé aussi la dynamique, peut-être. C'est vrai. Mais en tout cas, quand on regarde une carte du Pacifique, cette navigation d'île en île relève quand même de l'exploit sur des canaux, sur des frêles esquifs qu'ils devaient avoir quand même. C'est impressionnant. Merci Marie-Claude de nous avoir raconté cette histoire. Merci.